Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Ah ben, le bonjour Guillaume! Ah ben, le bonjour Maxime! Hey, c'est un autre samedi, dimanche, mercredi, toutes les journées. 17 amis des Pins, moi, pour moi, c'est pas une journée, c'est vraiment un moment. Oh oui, c'est un moment, puis c'est comment je dirais bien ça, une connexion, une relation, une intime entrée dans la vie personnelle d'autrui. C'est vraiment excellent de passer du temps avec toi. Hein? Oh, oui, vraiment. Oh. On se croirait une carte métamorphose. Une carte, c'est comment qu'elle s'appelait la carte là? C'est polymérisation. Oui, ouais, on est un peu comme la polymérisation. Toi, t'es le bébé dragon. Moi, je suis. Le magicien du temps. Non, c'est pas eux qui se mélangent. Ben oui, c'est le magicien du temps. Ça, quand... c'est pas polymorphisme. Ça, c'est un autre, ouais, c'est un autre truc. Un concept, mais il fait vieillir. Mais il n'y a pas le... Ah non, c'est Gaïa, puis le chevalier dragon. C'est qui devient le chevalier dragon avec l'autre dragon. Ouais. Pour ceux qui ne suivent pas, on parle de Yu-Gi-Oh! En ce moment. Probablement que le bébé dragon a une fusion aussi avec un autre, là, mais je suis trop incertain là, pour pouvoir m'avancer là-dessus. Là. Ouais, bon, je pense qu'on va arrêter de parler de Yu-Gi-Oh! Dans ce cas-là. Mais tu sais, on parlait de fusion. Ce qui est cool, c'est... Nos 17 avenues des Pins fait qu'on peut plus se connaître parce que toi, tu me dis c'est quoi qui s'est passé dans ta semaine. Oui. Ce qui s'est passé dans ma semaine, j'ai pas tant de grosses nouvelles, un peu comme la semaine passée, mais j'ai quelque chose de très cocasse à vous partager, surtout à toi, Maxime. Cette semaine, je suis allé rechercher mes lunettes. Ok, oui, tes lunettes. Mes lunettes. Pourquoi rechercher? Parce que je suis allé chez New Look il y a quelques semaines pour me faire commander des lunettes, vu que mes lunettes scrap, toutes graffinées, je voyais plus rien. Enfin bref, fait que je passe un examen de la vue. Ça coûte très très cher les examens de la vue à cette heure. C'est genre 80$ un examen de la vue, c'est absolument trop. Ouais, c'est ça que maman dit, il faut magasiner ça. Il n'y a pas genre chez Sears ou je sais plus une place là, tu peux l'avoir genre à 60. Ah, maman à capotait l'autre jour, a dit j'ai réussi à magasiner un bon examen de la vue à 68$. Ouais, c'est ça. Okay, c'est juste un 12$, c'est pas si hot que ça. Je m'attendais à quelque chose comme 42$, ça aurait été malade, mais là, c'est ben, juste un 12$ de différence. 12$, c'est genre 2 sandwichs au Subway. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. Ou 2 trios soupes chez Tim Hortons. Exact. Enfin, bref, fait que m'en va faire un examen de la vue. Ma vue a pas changé, même elle s'est améliorée, Maxime, d'un œil. Fait qu'elle a changé. Maxime. Bon, ok, c'est amélioré d'un œil, oui, elle a changé, mais enfin bref, elle s'est pas détériorée, okay. C'est ça l'essentiel. Yes. Donc, c'est la promo 2 pour 1, fait que c'est tout le temps la promo 2 pour 1. Oui, je sais, mais c'est pas grave, c'est vraiment cool parce que pour 300$, t'as 2 paires de lunettes complètes, ce qui fait que ça revient à 150$ la lunette. Oui, c'est cher 300$ pour acheter des lunettes, mais en même temps, le cerveau te fait penser que, dans le fond, t'as juste payé 150$ la lunette, alors que c'est totalement faux, t'as payé 300$ pour avoir 2 paires de lunettes, alors que t'en avais seulement besoin d'une. Mais c'est pas grave. Ouais, mais là, si ta première, c'est graphing, ben là, tu vas en avoir déjà une. T'auras pas besoin de redépenser un 300$. Regarde ce que j'ai fait. J'ai pris une paire de lunettes pour porter à tous les jours, puis une autre paire de lunettes pour porter quand je fais du sport. OK. Ce qui fait que c'est quoi la différence? Ben, elle est en plastique. OK. Plutôt que d'être une monture en métal, ce qui fait que si je reçois un choc, le plastique va... Plus l'amortir. Ouais, exactement. Okay. Puis, elle est plus ajustée au visage. Ce qui fait que, au lieu d'être comme hyper sorti, ben, elle est plus collée sur ma face. Un peu comme Anakin là, dans le premier Star Wars. Elle n'est pas à ce point-là. C'est pas des lunettes de plongée. Là. Ce qui fait que ben ça couvre un petit peu mieux le visage puis ça bouge moins. Ce qui fait que si je mets mon masque de receveur, ben, ils se déplaceront pas, par exemple. OK. La drôle de péripétie là-dedans, c'est que ma paire de lunettes de tous les jours, tout va bien, il n'y a aucun problème. Puis là, je m'en vais au travail, fait que moi je travaille dans un salon de quilles, fait que m'en va laver mes tables en fin de soirée. Mais là, si tu travailles dans un salon de quilles, tu devrais pas mettre tes lunettes de sport. Oui, mais je joue pas au quai, je travaille. Ah, ok, c'est bon. C'est pour faire du sport. Ah, ok, je pensais que dans tous les contextes sportifs, fallait que tu mettes tes lunettes. Non, pas quand je regarde RDS, je mets pas ces lunettes-là. Très curieux. Fait que, mets mes lunettes de tous les jours au salon de quai pour travailler, lave mes tâches, je vois que j'ai une tâche dans mes lunettes. Je fais, ah, mon Dieu, j'ai une tâche dans mes lunettes, tu sais. Fait que, m'en va laver mes lunettes, c'est beau, on met mes lunettes, va laver mes tables. Hein, j'ai encore une tâche dans ma lunette gauche. Fait que là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je m'en viens pour aller laver mes lunettes, la tâche disparaît. Je fais, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, toi? Ah, oh, j'en ai entendu parler de ça. C'est très drôle parce que c'était une tâche avec du crayon qui apparaît seulement sous les black lights. Fait que théoriquement, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste parce que je travaille dans un bowling cosmique avec des black lights et de la musique, ben, j'ai toujours une tâche d'en face mais pendant que je travaille. C'est-tu fait par les développeurs des lunettes ou c'est une tâche qui t'est arrivée? C'est sûr que c'était fait par Fabricants de lunettes? Fabricants de lunettes, oui, parce que c'était écrit, c'était des écritures. C'est ok, c'est pas juste 04. Une tâche. Là, non, c'est pas juste une tâche. C'est comme un numéro. C'est 04, genre, dans la lunette, si je me trompe pas. C'est vraiment fascinant. La madame a dit, c'est la première fois que je vois ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Puis là, ils parlaient entre eux autres. Quand je leur ai montré ça, ils me croyaient pas au départ. Ils étaient comme, ah, ça doit être de la microgravure. J'étais comme, je sais pas c'est quoi une microgravure, je sais juste que j'ai une tâche. Puis je suis pas mon gars, je l'ai montré à plein de personnes. Puis il était là, avec un petit crayon, là, avec une petite lumière blacklight au bout, une petite lampe de poche. Elle essayait de trouver ça. Elle trouvait pas la tâche. Puis là, elle était comme, mais là, je comprends pas, monsieur, c'est quoi votre problème? Je suis comme, quand même, il y a une tâche dans mes lunettes. Fait que là, finalement, ils ont une espèce de machine qui est un blacklight un peu plus puissant, qui est le blacklight Blue Sand, je pense, ou un truc de même, là, une espèce de nom de commerce là, de chez New Look. Okay. Donc, elle met ça en dessous, puis là, elle la voit, puis là, elle fait comme, ah ben là, j'ai mon voyage. Manon, viens voir ça! Là, il y a vraiment une tache dans la lunette à l'encercler. Puis c'est pour ça que je suis retourné chercher mes lunettes cette semaine parce qu'ils ont fait enlever la tache. Puis là, ben, tout est beau. Ah, ils ont réussi à l'enlever. Hein. Ben, je sais pas si je pense qu'ils ont peut-être juste changé le verre. Ok, ou... ok, ok. Parce que ça a pris une dizaine de jours. Fait qu'ils ont sûrement pas juste frotté le verre. Mais j'imagine que c'est un défaut de fabrication parce qu'ils avaient jamais vu ça. Ah, oh, ouais. Ouais. Ils ont essayé d'en faire passer une petite vite, puis finalement, ils ont tombé sur la personne qui pouvait l'avoir. J'aurais dû m'acheter un 649, là, je veux dire, les probabilités que ça arrive, que ce soit moi qui tombe sur ce défaut-là, c'est assez phénoménal. Hey, oi, c'est toute une histoire, ça, moi, j'ai jamais entendu parler du problème de lunettes. C'était toi, la tâche. C'était moi, la tâche. Qui est-ce qui vient de parler? Ah, oh, c'est ton père. Ah, bonjour, papa. Hey, qu'est-ce qu'il fait, là, dans le 17 avenue des Pins? C'est mon paternel. Ah, ben oui, lui, il aussi porte des lunettes, ça s'est-tu déjà arrivé dans tes lunettes à toi? Non, malheureusement, j'ai jamais eu de tâche de blacklight. Là, j'ai l'air fou parce que je dis à tout le monde, j'ai une tâche dans mes lunettes, puis ils regardent mes lunettes, puis je leur dis, non, mais c'est juste une tâche qui apparaît dans certaines circonstances. Là, ils sont comme, voyons, Guillaume, on va te faire soigner. On dirait mon histoire de choucroute à cigarette. Oui. Oh, on n'est pas chanceux, hein? Vraiment pas. Toi, Maxime, t'as-tu passé une semaine phénoménale? Hey, ça a été une semaine correcte, un peu stressante parce qu'on avait la contre-expertise de l'ancien propriétaire. J'aurais pas dans les détails vu qu'on est encore en processus de cours et toutes ces affaires-là. Fait que j'en dirai pas plus. Mais fait que ça, c'était un peu stressant. Puis là, Colin, je pensais à toi, ben, j'ai été malade. Lundi, je me lève. Puis là, je me suis entraîné la veille au parcours. Puis là, j'étais comme, je me sens pas très bien. Je pensais que c'était mes abdos. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal forcé avec mes abdos. Je vais aller travailler. Là. J'ai pas passé, j'ai un peu mal au ventre que j'irai pas travailler. Puis là, qu'est-ce que c'est? Moi, t'es un peu blême. J'ai mal au ventre. Tu devrais pas aller travailler. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais rester. Là, dans le pire des cas, tu sais, je veux dire, ils sont pour ça, les congés de maladie. Je file pas. Fait que dans le pire des cas, ben je filerai pas, mais ça va être correct. Fait que t'es pas comme 90% des employés du Québec qui utilisent le congé de maladie le 30 juillet, un vendredi, mettons. Non, c'est un lundi, moi je voulais aller travailler, okay. Là, et je filais pas. Fait que finalement, je reste dans mon lit, gosse sur mon téléphone un peu, mais ça se met à grouiller. J'ai mal au ventre, ça a pas d'allure. Va aux toilettes. Là, il y a Alien qui sort. Je donnerai pas de détails sur ce qui est sorti, mais c'était pas très beau. Pis là, j'étais comme, ouf, ok, je pense que j'ai bien fait de rester à la maison, c'était un peu dégueu, ça. Fait que finalement, je retourne dans le lit, continue de gosser sur mon téléphone. Ça recommence. 10 minutes après, on retourne aux toilettes, ça ressort autant. Ben, j'ai passé toute la journée de genre 9h le matin à 10h, pas 10h le soir, à 5h le soir, aller aux toilettes à toutes les 15 minutes. Mais j'ai eu des maux de ventre aussi en début de semaine, lundi puis mardi, personnellement. Fait que moi, là, d'après mon hypothèse, c'était peut-être le casse-croûte quand on a mangé là, les frites puis les gadis, mais on n'a pas mangé la même chose, puis Rosalie en a mangé aussi, puis elle n'est pas tombée malade. C'est vrai que mais c'est... Mais moi, là, mon hypothèse, c'était peut-être les guimauves. Je me souviens plus des guimauves. On a pris un thé avec des guimauves, tu t'en souviens? Oh shit, c'est les guimauves. C'est la première fois que tu les ouvrais, on n'avait pas de date, on savait pas trop. Ça... C'est peut-être les guimauves. Mais ça, il y a une date qui disait, je sais plus. T'as pogné probablement le seul point commun dans ben, toute cette histoire-là. C'est le point commun dans cette histoire-là qui a fait en sorte que les deux, on a eu mal au ventre, puis que moi, j'ai fait aussi des trucs un peu pas très propres, là, mais au moins, ça a bien été après ça. Là. J'ai pas été aussi intense que toi, là, mais ça a quand même sorti. Ah, mais on checkera ça si jamais une autre journée, on veut pas aller travailler. On a juste à se prendre un thé à la guimauve. Un thé à la guimauve, mais finalement, le soir... Ça va bien, je réussis à me reposer, dormir, je vais travailler mardi, tout va bien, je vais travailler mercredi, tout va bien. Là, le jeudi, ben là, il y avait la contre-expertise, fait que là, j'ai dit je donnerai pas de détails là-dessus, mais je peux donner des détails sur ma journée de travail. Ok. Fait que je peux travailler de la maison. Fait que là, le mercredi, je reviens chez nous avec mon portable, le soir, je check, je fais « fuck, j'ai oublié de pogner mon fil de portable de job ». J'étais comme « oh non ». Mais là, j'ai un de mes amis avec qui je covoiture qui travaille, qui habite à Pont-Rouge. Fait que j'ai dit « hey, je peux-tu ramasser ton fil ?» Il dit « oui, je vais te le donner à soir ». Fait que là, le soir, on s'en compte, je prends son fil, va me coucher, réveille le matin. Là, je prends ça tranquille, il est rendu vers 8h, viens me brancher mon portable, c'est pas le même fil. Fait qu'il a fallu que je fasse un aller-retour de Neuville jusqu'à Lévis, juste pour aller chercher un fil pour pouvoir travailler un peu dans ma journée où est-ce que j'étais de la maison, parce qu'il fallait que je reste là pour toute l'histoire de la contre-expertise. Fait que là, mon doux. C'était... Hey, fait que là... Pas vergeux. Non, mais là, j'étais comme, hey, j'espère que lui, il a pu travailler s'il avait pas le bon fil, mais lui, il avait deux fils. Ça va bien. Vendredi... je retourne travailler, j'oublie mon portable ton chez nous. Ton portable. Il a fallu que je prenne un portable de prêt à job et je t'ai dit c'était pas ma semaine, il y a rien qui est comme marché au pas quand pas ta journée, ta non. semaine ou même ton année. Fait que je vais finir avec une note un peu plus joyeuse. J'ai commencé à travailler sur mon costume d'Halloween qui est Aquaman. Tu dévoiles tous les spoilers. Ah non, vous savez pas de quoi il va avoir l'air mon Aquaman. Ok. Mais je vais mettre des photos mais que l'Halloween soit passé. Mais j'ai commencé à travailler là-dessus. C'est fait avec des trucs du Dollarama. Ça va être vraiment malade. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est cool. Pour ma part aussi, j'ai acheté des trucs pour commencer mon costume d'Halloween. J'avais déjà parlé de quelque chose. Ouais. On a changé de concept. Encore? Ça va être encore bien plus badass. Je vais t'en parler prochainement, mais je veux rien dévoiler au public. Je veux garder la surprise. Cool. Fait que on s'en reparle-tu la semaine prochaine? Au 17 avenue. C'est juste la première. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'émission n'est pas finie, les gars. Regarde, on passe au prochain segment. La confusion ne dure pas longtemps. Pierre, leur père, les rejoint très motivés à parler de boules. Eh ben oui, il y a un petit intrus tantôt qui s'est incrusté dans nos résumés de la semaine. C'est la première fois que ça arrive. Ben oui, mais c'est parce qu'il y avait une semaine tellement intéressante à nous partager. Écoute, les lunettes, ça vient le chercher. Vous savez de qui on parle parce qu'on en a parlé tantôt. Et on accueille au 17 Avenue des Pins pour la première fois notre papa! Le paternel PL pour les intimes. Ah, ben merci beaucoup. LEP 77. Ouais, c'est ça, à peu près. Des vieux affaires d'arcade, ça. LEP, c'était... On écrivait juste trois lettres quand on faisait des records, puis... Et tu te souviens-tu quand Guillaume avait fait le record sur la table de Miss Pac-Man à ton oui, party oui, de... Ah, oui, okay. oui, hey, oui, je pense qu'il oui. faudrait qu'on raconte ça avant qu'on passe sur son sujet. C'était dans le sous-sol de... Ah, c'est un bar qui n'existe plus, je pense. Oui, ça existe encore. Non, ce bar-là, il n'existe plus, c'est rendu le Noctem, ah, oui, je ça crois. A changé de nom, c'est vrai. C'est en Beauceville, Québec, ça? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, dans le sous-sol, il y avait un... Il y avait comme des petites machines d'arcade. Puis les deux, mon équipe de hockey puis l'équipe de hockey avec Guillaume avaient les deux fait leur party de hockey là-bas. Mm-hmm. Fait que là, le premier soir, c'est le party avec Guillaume. Puis là, Guillaume, il va à son party, il joue à Miss Pac-Man, c'est bien le fun. Puis là, la journée d'après, moi et mon père, on y va. Puis là, si je me trompe pas, toi, t'étais très mindé à gagner le record sur la table de Miss oui. Pac-Man. Il me semble que j'étais fier, mais j'avais déjà joué, vous autres presque pas. Donc. Il avait passé à peu près comme la moitié de la soirée à essayer de pogner le record sur la table de Miss Pac-Man. On revient du party, puis là, c'est Guillaume qui nous dit, en revenant... Hein? Tu te souviens pas? On est revenu. Il y a juste moi qui se souviens. Ben c'est oui. même pas moi qui... On revient de la soirée. Guillaume, il dit « Hey, vous avez été à la même place que notre party de hockey. Si vous avez vu, il y avait une table de Miss Pac-Man. J'ai joué toute la soirée pis c'est moi qui ai eu le record. » Là, mon père est comme « Ben, tu l'as plus, là. » Non! J'ai passé la soirée à le battre. Non! Rappelle-moi pas les déchirures. Ouais. Ça, c'était très drôle. C'était une drôle de coïncidence. Mais ben oui. On était pas là pour parler de ça. Mon père est ici pour nous parler d'un sujet qui tient très à cœur. On va te laisser te présenter puis te présenter de quoi tu veux parler. Ben, c'est ça. Moi, c'est Pierre, le père des deux pineux de 17 Avenue des Pins. Les frères princesses, les frères princesses, les frères franchins. Nos sobriquets arrêtent plus, là. J'ai été pas mal pro de quilles dans les années 90, puis depuis une quinzaine d'années, j'ai arrêté de jouer, j'ai fait des petits retours de quelques mois, puis là, cette année, ben, j'ai décidé de recommencer. Je tiendrais à dire que quelques... un peu pro, genre, il y a des bacs de 300, là. Ouais, un manteau 299, des tapings à Las Vegas. Mais... ouais, j'ai fait pas mal le tour des États-Unis avec ça. J'ai été le premier Québécois de toute la province à me classer avec les professionnels. J'ai fait des belles affaires. J'ai été plus haute moyenne du Canada en 91. Ça s'est gâché ça. D'après quand je suis né. Ouais, après ça, j'ai eu des enfants, j'ai planté. Non, c'est ça. Puis là, ben, j'ai commencé à travailler aux autobus en 2001, puis j'avais arrêté de jouer. J'ai fait quelques petits retours, mais j'avais jamais soit le temps. On avait fait un tournoi 8-9 scratch, pour ça qu'on comprend pas. Il y a un joueur qui, dès qu'il fait au moins 8, tomber 8 keys, ça compte comme un abat. Un autre joueur qui fait, dès qu'il fait tomber au moins 9 keys, ça compte comme un abat. Puis un qui joue normal. Puis c'est moi, je jouais 8. Notre grand-père, Roger, jouait 9. Puis mon père jouait scratch. Il jouait là-bas. Puis on avait dominé pas mal. Hey, ouais, on avait on avait fait un ou deux tournois comme ça. On n'avait pas fait deux. Je me rappelle de un là, on qu'on avait. On avait fait un à Lebourgneuf, mais ça on avait fait. Des... ouais, mais on était avec un autre. À Lebourgneuf, on était avec M. Bayarjon. Ouais, c'est ça. On avait torché toutes les qualifs, puis on avait planté en finale. En série. Ouais. Mais à Montmorency, on l'avait gagné. Ouais, on avait tout gagné à Montmorency. Ça faisait assez drôle. De voir les trois générations gagner un tournoi, là, c'était quand même assez nice. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, puis là, ben, j'ai commencé cette année, puis je suis blessé depuis un an, la jambe, le dos, la hanche, fait que j'ai changé mon style, puis j'ai joué 5... À cette heure, il tire des quilles dans des boules. Ouais, c'est ça, exactement, je suis rendu la cheerleader. Non, faire un peu plus sérieux, c'est ça, j'ai changé mon style, j'avais un style très exigeant. J'ai joué 5 semaines comme ça. On joue 3 contre 3. OK. Faut que tu battes ton joueur à chaque partie. Ouais. T'as du A, du B, du C. C'est classé en moyenne. Puis, mon premier joueur, après 3 semaines, il a décidé qu'il abandonnait. il a dit qu'il avait des problèmes... des problèmes dans sa job et tout, mais finalement il trouvait que j'étais pas bon. Donc c'est lui qui était 3-0, c'est pas toi. Ouais, c'est ça exactement. Puis là ben je vois pas très bien. Je suis 185 de moyenne, puis depuis 2 semaines ben j'ai décidé de revenir à mon ancien style même si ça fait mal. Donc je suis blessé puis ça reviendra pas, fait que c'est bien de souffrir. Puis là ben j'ai joué 875 dans 4 parties. Puis cette semaine, ben, j'ai fait un 2,78, puis j'ai joué 900 quelque chose. 902, 906, 910. 900, c'est donc, bon. Donc, j'ai recommencé à performer. C'est pas mal le fun. Puis j'ai un nouveau joueur qui est super bon. Puis ça, c'est ça. Je joue à Val-Bélair. Malheureusement, je suis pas au Salon Guillaume. Puis je reste à Val-Bélair maintenant. Ouais, donc, je reste pas à Val-Bélair. C'est ça. Je travaille pas à Val-Bélair. Exactement. Fait que c'est ça. Tu joues avec quel genre de boules? T'as-tu des vieilles boules? Oui, des vieilles boules que j'avais au début des années 2000. Puis... La technologie a-tu changé d'un boule depuis? Oh, ça a changé, mais je dirais que ils ont plus changé l'intérieur des boules depuis une dizaine d'années que la texture des boules. Donc, okay. C'est ça. Moi, dans le temps, on jouait avec du plastique de l'uréthane. C'est devenu de la résine réactive. Mais là, ils font des genres de blocs à l'intérieur de la boule qui sont de plus en plus difformes et gros, qui donnent plus de courbes. Donc, tout le monde joue, puis c'est un peu plus facile qu'avant de jouer. Sauf que là-bas, c'est vraiment dur. Là. Ah ouais, c'est... beaucoup d'huile dans les bords d'allée. Tu peux pas te permettre de tricher beaucoup. Donc, c'est plaisant quand tu performes. Ouais, c'est ça. Fait que tu manques ta planche, puis ça tu ça fait pas d'abord. Ta planche, puis j'ai fait un beau dallo sur un double. Là, oh. J'ai été trop sur le ouch! Ouais, non, c'est le fun. Tu sais, ça fait un petit peu revivre le passé. Ça me donne des idées de peut-être de... si ça va bien, si ma blessure guérit, de peut-être recommencer à faire des tournois, puis commencer à compétitionner un peu. Et puis en même temps, ben, c'est très drôle, ben, je donne l'idée que je connaissais pas personne, sauf Miguel Messi, qui jouait avec moi dans le temps au Lebourgneuf. Chanteur de Miguel Messi. Chanteur de Miguel. Voilà, Miguel, C'est ça, il ressemble un peu à Grégory Charles. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Même s'il est blanc, ouais. C'est lui dont tu me parlais avec les planches, là. Ouais, exactement, exactement. On n'ira pas plus loin, mais il y a des gros inside avec Miguel. Là, il est comme Grégory Charles, c'est quoi? Il joue sur trois allées en non, même temps. Non, c'est son visage, chante. Son visage. Oh, okay. La bouche, les dents, les yeux, le nez, les expressions. Il est capable de chanter toutes c'est les tunes de Key. C'est ça, ah ouais, exactement. Take me out to the Key game. Take me out to the bowling lane. Excuse-moi, genre dans un autre sujet, mais en même temps non. Il y avait des rumeurs du salon de quai Val-Bélair qui était comme dans un état financier un peu moins jojo. Est-ce que tu en as entendu parler? Que le propriétaire de ça, il est mort il y a quelques années. Et puis, c'est sa femme qui s'occupait de ça. Je pense que ça a été fermé un petit bout. Puis là, c'est un nouvel investisseur. Il y a un gymnase au deuxième, okay. Un centre d'entraînement. Puis il a acheté le centre d'entraînement, le salon de quai, un monsieur de Bordeaux en France, okay. Coin comme ça. Et puis, ça fait quelques années qu'il est au Québec. Je jasais avec, super sympathique. Mais c'est ça, lui, il essaie de repartir ça, là. Mais on est encore sur du vieux stock, des vieux marqueurs Mendes, là. Oh. Qui okay. Fuck un peu les allées. C'est des écrans cathodiques. Ouais, c'est ça. Lundi, je suis parti avec Cataba. L'allée a bloqué à peu près 10 minutes. J'ai. Tu perds ton Coro d'après, j'ai fait comme un mauvais lancer. Après ça, je suis revenu avec 7 autres abats de suite. Okay. J'ai fait 11 abats dans le game. Mais, sur une possibilité de. La possibilité de 12, bien sûr. Ouais, mais je parle pour les gens qui connaissent pas ben ça. Ah oui, là, c'est ça, c'est ça. Non, c'est le maximum 300. Donc, j'étais à 22 points de la partie parfaite. Que ça fait longtemps que j'en ai fait, là, mais... C'est quand même intense. Moi, ma meilleure game, Maxime, c'est 237. Je suis dans ce coin-là aussi, j'ai plus de chiffres par contre. Ah, le vendredi, t'avais fait un 250, me rappelle bien, le vendredi soir, quand on a rejoué dans la avec Ligue. Les Québécois? Pendant quelques mois, ouais. Ouais, j'avais fait une grosse game. Il ouais. Ben, y a eu un temps aussi que Guillaume puis moi, on allait jouer au quai tous les samedis matins avec un... Les dimanches matins. On faisait un déjeuner quai. On faisait déjeuner quai, fait que là... J'avais une grosse assiette avec des saucisses, puis trois games de quilles, puis je battais Guillaume à toutes les semaines. Sauf quand maman est venue jouer. Quand maman est venue jouer, c'est vrai, j'ai tout planté. La semaine que maman était là, j'étais pas bon. On a fait trois games, j'ai tiré 200 les trois games. C'est vrai? Ça avait été incroyable, mais je dirais que je suis un joueur de quilles inconstant. T'sais, j'ai une moyenne de 160 à peu près, mais je suis capable du meilleur comme du pire. Une game sur trois, il joue 114. C'est souvent ça, ouais, les joueurs de 160. Ça. Exactement, c'est bien malheureux, parce que je suis capable de jouer 230, mais je suis très capable de jouer 120 à peu près, fait que c'est poche. Bon, ouais, c'est ça, fait qu'on va dans les prochaines semaines là, si ça se passe bien. Ok, puis avant de terminer cette chronique, j'aimerais qu'on parle d'un sujet chaud. Toi, tu joues avec un pouce dans ta boule. Oui. Qu'est-ce que t'as à dire aux gens qui ne jouent pas de pouce? Ben, au début, ça me faisait chier un peu. Non, j'aimais pas ça. Je trouvais que c'était des gens qui savaient pas jouer au quai, puis ils avaient trouvé une méthode pour réussir à faire tourner leur boule pour faire un peu plus d'abord. Sauf que, pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui peut jouer sans aucun trou dans sa boule, il le fera. S'il y a qui peut jouer avec son pied, il faudrait des grosses mains. Ça parlait des maudites grosses mains. Mais non, mais c'est ça. J'ai appris un peu à apprécier le lancer quand même. Je trouve pas ça cute à voir. C'est vrai. Je trouve le style est pas beau, mais faut pas oublier Jason Belmonte, c'est le meilleur joueur du monde depuis quelques années. Puis il joue avec juste deux doigts, il met pas son pouce dans le trou. Donc, il joue juste deux doigts, son doigt du centre pile. Ouais, c'est ça. Non, c'est réellement un excellent joueur et il joue bien partout dans le monde. Il est premier, puis... Il y a Sean Rash qui est son adversaire, c'est presque drôle parce qu'ils s'aiment pas, c'est une vraie rivalité, on dirait qu'ils vont se sauter dans la face chaque fois qu'on les voit. Sean Rash est classique, un style vraiment classique, puis l'autre avec son pas de pouce, que sa boule tourne 27 tours, ah oui. ça fait des bons matchs, c'est bien le fun. Puis il y a un jeune homme avec qui vous avez joué, François Lavoie, vous avez joué avec dans les juniors à Montmorency, ben, ouais. Il a étudié dans une université de bowling aux États-Unis. Puis il a commencé à aller. Oui, il a commencé à aller faire du PBA. C'est un des joueurs dans le monde entier qui est le plus à surveiller pour les prochaines années. Ouais, il joue, on dirait qu'il n'y a pas d'émotion. On dirait qu'il est mort. On dirait qu'il est mort, il n'y a pas d'émotion. Est-ce qu'il sent le cadavre aussi? Il n'y a rien qui le stresse. Il a fait des parties parfaites. Il a fait des parties parfaites dans les compétitions universitaires, collégiales, scolaire, comme peu, si tu veux. Puis il a fait le championnat des États-Unis. On dirait qu'il n'y a pas de nerfs, on dirait qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il shake jamais. Puis dernièrement, il s'est essayé au PBA, puis il s'est classé pour les finales. Donc, c'est un joueur à surveiller, c'est un gars de Québec, donc c'est intéressant toujours. Bon, ben on finit ça avec un shout-out à François Lavoie. Hey, shout-out à François Lavoie, j'ai préparé une petite carte justement, Maxime, si tu veux la lire. Hey, merci, c'est gentil. ça va faire 2 semaines de suite que je lis mes petites cartes, c'est pas juste. Mais là. Arrête, il n'y en avait pas la semaine passée. Hein, ouais. Hey, je sais, là, mais écoute, OK? Bon. C'est genre, comme tout le monde en parle, mais c'est personne en parle, parce que personne ne nous en avait parlé avant. Exactement, okay. c'est ça. Belle surprise. OK, bon. Papa, depuis que tu n'as plus de cheveux et que tu rouvres tout le temps ta bouche en forme d'un petit rond, tu ressembles à une boule de quille, mais moi non plus, je ne mettrai pas mon pouce dedans. Oh! Est-ce que tu restes avec nous pour les prochaines chroniques? Ouais, je serais resté pas loin, c'est sûr. Woo! Merci, là! Parlant de rotation, il y en a une qui fait tourner les têtes depuis quelques jours, c'est-à-dire la Nintendo Switch. Et les trois Lemieux en ont beaucoup à dire sur le sujet. Alors, c'est quoi que nous mangeons comme petite collation aujourd'hui au 17 avenue des Pins? La petite collation est intitulée Petit poisson à la pizza. Petit poisson à la pizza? Est-ce que ce sont des poissons qu'on a fait naviguer dans du fromage fondu? Je n'en sais que trop rien, ce sont des poissons, direz-vous, ce sont des poissons croustilles. Poisson croustille à saveur de pizza. Ça goûte franchement pour de vrai la pizza. Où avez-vous trouvé ces petits poissons, papa? Oh, dans un supermarché assez spécial appelé IGA. IGA? Oh, oui. Que veulent dire ces trois lettres? Intergalactique Alimentation. Oh, ouais, je vois. En effet, ces poissons sont d'un autre monde. Non, la collation de la semaine est une présentation de IGA. IGA. Vive la bouffe. Hey, pour moi, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment bons, c'est incroyable. D'habitude, c'est des petits poissons au fromage. C'est ça. Mais là, c'est à la pizza. Et non, très impressionné. Mm-hmm. Ce qui nous amène à notre prochain sujet, la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, ben c'est un switch de mentalité chez les petits poissons. Hein? Merci, Guillaume. La Switch, oui, nouvelle console de Nintendo qui aura une date de lancement en mars 2017, Maxime. Comment est-ce que t'es hype à propos de ça? Mettons que mon niveau de hype est comme rendu dans des pourcentages d'émissions de sport. C'est-à-dire 110%. L'attaque à 5. Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, c'était comme toutes les rumeurs, mais bien faites. Mais je sais pas si... j'imagine que vous aviez pas suivi full les rumeurs, mais la plupart des rumeurs disaient que ça allait être un mix entre une console de salon et une console portable, qu'elle allait probablement avoir des manettes qui se détachent. Oui, qu'on pourrait mettre plusieurs consoles ensemble pour augmenter la puissance. Ça, on le sait pas encore, mais c'est un concept qui avait été déposé par Nintendo. Je veux dire, selon le trailer, on a vu qu'ils se mettaient comme plusieurs consoles pour jouer au même jeu. Ben, dans ce concept-là, c'est pas que t'augmentes la puissance, c'est que... C'est que chaque personne peut avoir son rendu différent. Ouais, c'est ça. Ben, mais en techniquement, c'est vrai qu'il y a 2 fois plus de puissance pour rouler le même jeu. En théorie. Ouais. Donc, Maxime, j'ai dressé une liste de points que je juge plus négatifs, entre guillemets, une liste de points plus positifs, puis une liste de points non classés, que j'appelle. Je vais te les dresser, j'aimerais qu'on en discute chacun de ces points-là. D'abord, on va commencer avec les négatifs, parce qu'on va se garder le plus beau pour la fin. Le non. La Switch, toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben moi, je pense que c'est bien parce que ça s'explique à n'importe qui. C'est vrai. Il y a souvent, si tu parles à des gens qui sont pas nécessairement gamers, tu vas leur parler de quelque chose, ils vont dire « Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? » Tu dis « La Nintendo Wii, qu'est-ce que ça veut dire? » Ben, il y avait le concept de « Ah oui, nous jouons ensemble, oui, nous. » c'est « nous » en anglais. Ben, il y avait quand même une logique. Ouais. Mais tu sais, tu dis « Xbox ». Tu sais, c'est une boîte extrême, tu sais, il n'y a pas vraiment d'explication. Puis avec les concepts de Nintendo, il y a souvent du monde qui vont être sceptiques puis qui vont vouloir comprendre. Puis surtout du monde qui sont pas des joueurs. Mais pourquoi est-ce que j'achèterais ça? C'est quoi ça la Switch? Ah ben c'est Switch parce que tu peux switcher entre ta télé puis une console portable on the fly. Fait que c'est bien parce que ça s'explique, ça se dit quand même bien. C'est sûr qu'en français, c'est un peu plus spécial. Ouais. Ben, si j'ai bien remarqué, moi, je trouve que le nom est absolument affreux. Là, malheureusement, là, je comprends tout le côté marketing derrière la patente. Moi, j'aime pas ça, le mot switch, là. Je trouve que tu le dis plusieurs fois, puis t'es comme, ah, switch, c'est vraiment très, très laid. Mais apparemment, les gens ont l'air d'apprécier le nom, globalement, comparativement à la Wii, à la Wii U, à la... Hey, on a de l'ambiance musicale live. C'est genre switch. J'en ai plein. C'est dans l'Halloween. Des switch. C'est un soundboard. Des sons d'Halloween. Non. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime pas le nom, personnellement. Si j'ai bien compris, aux États-Unis, ils disent que le nom est bien, que ça se prononce bien. Que c'est probablement juste en français, j'imagine. Que mais il y a quand même deux aspects cool à ça. Il y a un, ils l'ont pas appelé Switch avec deux i comme la Wii. C'est vrai. Ben, ça, c'est très bien qu'ils n'aient pas fait ça. Puis deux, ben si tu l'abrèges, ça fait NS. NS. Ouais. Qui sonne un peu comme la NES. La NES du le vieux Nintendo. Ouais, fait ouais. C'est quand ouais, même cool qu'ils ramènent ça. Fait... Ok. Peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose de. Encore plus accrocheur, mais ça fait la job. Ouais, après vrai. Ça, c'est un nom. Là. Ouais, on s'entend. Deuxième point, j'avais écrit la fragilité. Écoute, j'ai pas testé le produit, on l'a juste vu en vidéo. Moi, j'ai l'impression que tous les enfants de 6 ans vont briser leur console. Sur quel pourquoi. Aspect? Ben, je sais pas. La manipulation. La manipulation, oui. Surtout sortir, rentrer les manettes, ben. Manipuler la console dans tes mains. Avec la grosseur que ça a, les enfants qui brisent des tablettes électroniques, ça se voit là, on en voit des vidéos partout là, échapper ta tablette à terre à cause. C'est... J'aimerais ramener un truc que Nintendo a déjà fait. Quand ils ont commencé à faire le développement de la Nintendo DS, mm-hmm. la première qui était grise, ouais. Le défi que Nintendo avait donné à ses ingénieurs, c'était faut que la Nintendo DS puisse être droppée 20 fois à partir de la hauteur des mains d'un enfant, fait qu'à peu près un mètre et quart, fallait qu'il puisse tomber de cette hauteur-là sur du béton au moins 20 fois sans se briser. Oh. Fait que Nintendo est quand même réputé pour faire des trucs qui se tiennent. De toute façon, n'importe quel téléphone, il y a des étuis qui vont avec. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un étui qui va vouloir aller avec. Puis on a vu le vidéo, il n'y avait aucun enfant dans le vidéo. Le marketing, il se fait pour les jeunes adultes. Fait que oui, les enfants vont en avoir, mais ça va être la responsabilité des parents parce qu'à base, c'est un produit qui est marketé pour les jeunes adultes. C'est vrai, ça, c'est un changement de direction. J'avais pas dit des points positifs, mais je trouve que c'est un point positif. Au lieu de présenter un produit qui est enfantin puis désuet, s'il présente un produit qui est tout allé pour une clientèle jeux vidéo qui vieillit aussi. Ben oui, c'est ça. Que les premiers qui ont joué à des jeux vidéo, veux pas, c'est rendu des jeunes adultes, c'est rendu toi puis moi, c'est rendu nos parents. Ce qui fait que ces personnes-là ont pu 3 puis 4 ans, puis c'est pas le début des jeux vidéo. Là. Non. Ils ont mis beaucoup de temps à suivre la vague. Ils ont voulu essayer des trucs un peu plus familiaux, un peu plus personnels, mais toujours dans l'enfantin. Puis là, ils targetent vraiment une cible qui est plus adulte. Ouais, puis j'aimerais juste rajouter sur le dernier point. Tu sais, tout le concept est basé sur le fait que tu peux glisser in et out les manettes. Fait que s'ils font pas quelque chose de quoi durable, c'est qu'ils sont cons et qu'ils savent qu'ils vont se tirer dans le pied. Là. Ouais. C'est, tout est basé sur le fait que tu peux les mettre et les enlever facilement. À mon avis, et ils ont passé des heures et des heures et des semaines et des années à juste rentrer et fermer. Ouais, des... c'est vrai. Je le souhaite bien gros en tout cas. J'espère qu'ils vont vendre des bouts de manette aussi parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont en perdre. Ah, ah ça, c'est oui, ça. Perdre une manette, perdre un côté de manette, puis la retrouver, rentrer dans le divan. Tu joues dans le train, il y a quelqu'un qui passe, part avec ton manette. Il te reste juste à côté gauche. Il sort par la porte, tout est poigné. T'es rendu de l'eau. Ok, les points positifs. Le trailer, mon doux, c'est un très beau trailer, personnellement. Ça a tout été filmé à Vancouver. Ouais, au Canada. Moi, j'ai trouvé que c'est un trailer qui parle beaucoup, malgré. J'ai écrit 100 mots, parle beaucoup. Il n'y a pas personne qui dit un mot sauf Switch. Mais c'est vrai. Ça en dit tellement par. Tout ce qu'on peut voir comme visuel. Puis toi, papa, qu'est-ce que t'as passé du vidéo? Tu l'as regardé? Ouais, ça m'a impressionné. C'est mon cousin qui a partagé ça sur Facebook. Je vois ça. Comme tu dis, on n'a pas suivi les rumeurs. Je savais pas que c'était sur le point de sortir. Puis non, quand j'ai vu le gars ramasser ses deux côtés de manette, ramasser ça sur son petit écran portatif, puis partir avec son chien à l'extérieur. Là, il joue. J'ai pensé tout de suite, si tu marches par Wi-Fi, t'auras plus de jeu, mais que tu sortes si t'as c'est pas ce de que Wi-Fi. J'ai pensé aussi. C'est la première chose que j'ai pensé. Sauf que j'ai trouvé ça génial quand même. Là, t'sais, il t'a rendu dehors sur un banc dans une place de villégiature avec son chien, là, que c'est quand même le fun, mais j'ai pensé tout de suite aux autres côtés, là, comme le Wi-Fi, puis le jeu, il communique comment avec toi? Puis... Ben, le jeu, le processing est dans la manette. Ouais. Le truc qui est branché à la télé, c'est juste vraiment une unité de pour le brancher dans la télé. Fait que ça va mettre du power, peut-être aider à rajouter la ventilation pour que le processeur puisse travailler plus. Mais en tant que tel, il n'y a pas rien dedans. Puis pour ce qui est du Wi-Fi, ben, t'sais, même s'il n'y a pas de carte pour se connecter sur le 3G, tu peux le connecter sur le 3G de ton téléphone. Ton téléphone, lui, est branché dans... Au satellite. Fait que là, tu pourrais être dans un parc avec ton téléphone qui partage sa connexion à ta tablette puis jouer en ligne à NHL. Là. Ouais, c'est ça que j'ai pensé parce que ça peut aller prendre beaucoup de tes données. Je sais pas, c'est mon seul côté que je me suis posé des questions. Pour le reste, j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis Xbox là, en ce ouais. moment, mais non, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça attirant. On a vu qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur le jeu. Communautaire, là. T'enlèves deux manettes, t'es au parc, tu passes une manette au gars à côté de toi, l'enfant à côté de toi, puis tu joues avec à Mario Kart. Là, ah ouais. C'est Zelda, le jeu qu'au début qu'on voit dessus. Ouais, le nouveau Zelda. C'était génial. Là. Ça a l'air d'être ton genre de jeu pour moi. J'ai jamais joué à Zelda à plateau, si on veut. J'ai pas été attiré par ça, sauf que là, le jeu m'a attiré. Ça ressemble un peu à Fable. Le nouveau, là, tu peux aller voir un peu plus de vidéos, il y en a pas mal de sorties, puis c'est vraiment genre, t'es droppé dans la nature, puis tu ramasses tes armes, tu coupes du bois, tu ramasses tes affaires, puis tu te fais de la bouffe, puis c'est vraiment plus... C'est le genre de jeu qui pourrait m'attirer vers la console, bien entendu. Mm-hmm. Les autres points positifs, j'ai marqué le third-party support, on a vu la charte de tous les troisièmes développeurs qui veulent se joindre à Nintendo pour cette aventure. C'est absolument énorme, là. Il y a la compagnie qui fait Rocket League. Imagine à jouer Rocket League dans n'importe où. N'importe où, ce serait vraiment très très fou, cool. Break. Moi, ça m'a fait vraiment triper parce que Nintendo a eu beaucoup de difficultés avec ça les dernières années, là, avec la Wii, la Wii U, la DS, 3DS. Ça a été difficile d'avoir du third party. Il y en avait plus ces consoles portables que ces consoles de salon. Là, ouais. Mais tu sais, c'est à cause qu'il y a aussi comme un cercle vicieux où est-ce que les compagnies se disent « Ah, mais le monde qui achète les consoles Nintendo, c'est juste le monde de Nintendo. » Fait que là, il y a juste le monde de Nintendo qui achète les consoles. Fait que là, quand ils sortent des jeux sur les consoles Nintendo, ils se font pas vendre. Fait que là, ils sortent plus de jeux. Fait que là, il y a juste des jeux de Nintendo qui se font acheter. Fait que c'est un cercle vicieux parce que si à la base, ils mettaient tous leurs jeux sur les consoles Nintendo, ben le monde qui sont pas Nintendo, ils iraient les chercher sur la console Nintendo anyway parce qu'ils vont avoir d'autres jeux aussi. Voilà. Mais ils se rendent pas compte qu'il y a comme deux marchés pis que... Il attire le marché qui voudrait sur la console Nintendo juste sur l'autre console. Mais bon. C'est eux autres qui sont maîtres de ça. Les autres points positifs, dans le trailer, il y avait un gros mise en marché sur le e-sports. Moi, ça me fait complètement triper. Tous les e-sports Nintendo ont eu de la misère à gagner leur essor dans les dernières années parce que Nintendo, excusez la connotation, mais utilisait leur veto de cockblock pour absolument bloquer. Ils pouvaient rien faire, c'est même de valeur là. Ils voulaient streamer en direct. Ben Nintendo disait non, ça te prend des droits, faut que tu payes des droits pour pouvoir streamer en direct. C'est non, c'est pas comme ça que ça marche. Y a pas quelqu'un qui a genre le brevet, c'est moi qui ai inventé le hockey. Ben si tu joues au hockey, t'as pas le droit de te filmer là, ça a pas rapport. Là. Voilà, ce qui fait que le e-sports a eu de la misère à se développer. On prend la communauté Super Smash Bros. Qui est quasiment morte vers la fin des la première décennie des années 2000 à cause du manque de support de Nintendo, du manque de fonds. La communauté Splatoon qui a de la misère à se faire connaître aussi parce qu'ils n'ont pas de support. Ils terminent la vidéo avec une espèce d'aréna pleine. Un aréna bien plein avec du monde qui encourage les joueurs de Splatoon. C'était absolument capotant. C'était trop trop hot. Moi ça me... Je vois d'un bon œil l'avenir. Moi j'ai pas joué à Splatoon, mais de ce que les gens ont dit. Ben moi je vais dire deux points, mais ce que les gens ont dit, ça a l'air que le jeu était pas pareil que le Splatoon qu'on connaît. Fait que ça serait potentiellement une mise à jour ou une nouvelle version de Splatoon qui serait exclusive à la Switch. Oui. Parce qu'il y avait des designs pas pareils, des maps pas tout à fait pareils dans ce qu'on a vu. Okay. Puis deux, il y avait pas de fucking voyons motion control là. Hey, c'est vrai! C'était juste des manettes. C'était des manettes, t'as raison. Moi, ça me fait triper parce que j'ai ça contrôler la caméra avec avec ma manette. Là. Je veux contrôler avec les boutons. T'as bien raison. Je suis d'accord avec ça, c'est ce qui m'a d'ailleurs déplu de ce plateau. On va y aller en rafale. Le design est vraiment très beau. Moi, je trouve la console slick, est très slick. Puis le plastique est pas glossy. Oui, exactement. Ça fait pas un jouet. Ça a pas l'air d'un jouet. Exactement. Les cassettes. Oh oui. Oh yes. Des fucking cassettes. Je suis content. Les cassettes reviennent. Beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de mémoire. Puis beaucoup moins de chances de casser une cassette que de casser un CD. Hein, on s'entend. Ouais. Ça fait que moi, je suis très très content du choix des cassettes. Pensez-vous qu'on va recommencer à les licher et à souffler dedans, non? Ça m'étonnerait. C'est plus comme des cartes SD. Non, c'est plus comme des cartes SD. D'habitude, ça se lit bien une carte SD. Ah ouais, c'est vrai. On a vu dans la vidéo Mario Zelda Skyrim. Et le nouveau Mario. Le nouveau Mario était tellement beau là. Moi, j'avais l'impression de voir Mario 64 2 pour une fois. J'espère vraiment que c'est ça. Parce que monde a trippé sur Mario Galaxy, Mario Galaxy 2. Moi, j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai trouvé que les contrôles étaient un petit peu weird de manœuvrer ton bonhomme à travers la planète. Moi, j'ai pas tant trippé sur Mario Galaxy. Si on peut avoir un Mario 64 2, oui, s'il vous plaît, oui. Les deux, puis Skyrim aussi, incroyable, là, je veux dire, Skyrim. J'ai pas encore joué à Skyrim, mais c'était le jeu qui était le plus hypé quand j'étais au cégep, là, genre, je pense que tout le monde en a parlé pendant 2 ans. Oh, ouais, c'était l'année avant que ça sorte, l'année après, sans arrêt. Ce qui fait que ça me mène à 2 points que j'ai non classé, la mort de la 3DS, point d'interrogation. Une console qui est à la fois de salon et portable, est-ce que ça veut dire que la 3DS vont arrêter de faire des jeux, ils vont arrêter de vendre des consoles parce que ça fait déjà comme 5 ans que la 3DS est sortie, quand même. Puis de toute façon la 3DS, la résolution de la 3DS, l'écran là, c'est genre encore 480 par 200, je sais pas quoi là, c'est underpower, c'est pas très beau, puis je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. C'est vrai, il n'en demeure pas moins que la 3DS s'est très très bien vendue. Il a fallu qu'il enlève 70$ sur la console pour qu'elle commence à se vendre. Ouais, mais fait que oui, là, ils ont fait. Mais tu sais, ça s'est bien vendu, mais je pense que. Mais de toute façon, il n'y a rien qui dit qu'il va pas avoir. Tu sais, il y a Street Pass avec le 3DS, fait que peut-être qu'il va continuer à avoir le Street Pass, mais entre la Switch et le 3DS, puis. Ah, ce serait une bonne idée ça. Mm. Et la date de sortie, c'est mon autre point non classé, mars 2017. Ça, c'était mon plus gros point d'interrogation. On est habitué des consoles qui sortent dans le temps des fêtes autour du mois de novembre. Moi, je pense que c'est même pas proche de l'E3, là. Moi, je pense que c'est une excellente date. La 3DS est sortie en mars aussi. Mais ce qui est très bien avec la sortie en mars, c'est que tout le monde qui le savent déjà, qui vont acheter la console, vont pouvoir l'acheter là. Okay. Ouais. Le monde qui sont pas sûrs vont voir comment ça se vend. Ça se vend pas pire. Fait que là, le monde va annoncer des jeux à l'E3. Ouais. Il y a des jeux qui vont sortir pour Noël. Fait que le monde qui était pas sûr, puis le monde qui savent pas trop comment en acheter, ben il va arriver à Noël, il va avoir du stock. Fait que tous ceux qui voulaient l'acheter à base vont l'avoir acheté en mars. Il va avoir plein de jeux de sortie parce que ça va faire 9 mois que la console est sur le marché. Puis il va avoir les third parties qui vont voir que la console s'est bien vendue au début. Mars. Puis qui vont avoir annoncé des nouveaux jeux. Ah, mais on va y aller pour le mois pour la saison des fêtes. Au lieu de tout faire sortir dans le temps des fêtes, puis que le monde qui voulait vraiment l'acheter vole ça aux gens qui étaient pas sûrs ou aux familles. Puis là, il n'y a pas vraiment de jeu. Puis là, il étale ça sur toute l'année. Moi, je pense que ça va vraiment bien marcher grâce à ça. C'est vrai. Je trouve que t'apportes des très très bons arguments. Est-ce que tu vas en acheter une, Maxime? Définitivement. Ok. Vas-tu en acheter une, papa? Non, je pense pas. Je pourrais essayer, mais. Mettons que je suis un peu accro au NHL de ce temps-là, puis je joue sur mon Xbox One. Donc, Mais tu sais, ils ont montré un jeu de basketball sur la NX, fait que probablement que les jeux de sport vont revenir sur les consoles de Nintendo. Ça se pourrait, parce que là, en ce moment, vois-tu, de la façon qu'ils fonctionnent depuis 2 ans maintenant, ben 3 ans, mais en 2015, c'était vraiment cheap, là, c'est que ça marche beaucoup en collection. Il y a des enchères comme eBay. Et puis, tu suis ça. Mais les Xbox One peuvent juste acheter avec des Xbox One. Les PS4 peuvent juste acheter avec des PS4. Okay. Il n'y a pas de mix de consoles. Donc, s'ils reviennent sur Nintendo, ben là, qui va en avoir? Ça va limiter nos achats, nos ventes, nos collections. Va falloir voir un peu, attendre, voir si le jeu va se jouer autant sur ces consoles-là qu'il se joue sur Xbox. Donc, c'est pour ça là, que je suis un petit peu encore ambigu. Là. Ils m'ont appelé, ils ont dit on sort ça le mois de ton anniversaire. Mais ça fait tant qu'on fait une idée fabuleuse dans les airs, un réseau partagé entre les 3 compagnies. Ça serait-tu incroyable, ça? Ben, il y a déjà des jeux qui ont commencé à jouer. entre l'ordi puis l'Xbox, l'ordi PS4, PS4, Xbox, fait, ça s'en vient de plus en plus là, les jeux en réseau sur des consoles séparées, surtout que les structures internes commencent de plus en plus à se ressembler. Ouais. Puis veut pas. Je tue du temps. Non, mais si tu regardes le mix des consoles comme ça, il y a certains jeux aussi qui seraient bien d'aller sur les trois consoles. Tu regardes les MLB depuis 2015, et il n'y en a plus rien que sur PS4. Si tu as une Xbox One, tu peux pas jouer MLB. Donc, c'est plate. Tu sais, MLB, en plus, ils ont fait des collections aussi. Moi, j'étais maniaque de ça. J'aime ça faire les collections. Il y a NHL 2003, tu te rappelles, il y avait des cartes d'hockey. Quand il dit collection, il parle des collections de trucs dans le jeu, genre des ouais, des c'est ça. Je collectionne pas les cassettes ou les CD. Juste, c'est 14 copies de NHL 17. Mais il faut pas oublier qu'on sait pas encore ce qu'ils vont dire, mais à date, toutes les consoles de Nintendo ont le jeu en ligne gratuit. C'est vrai. Fait que je sais pas si c'est un problème pour les développeurs parce qu'il faut qu'ils fassent des serveurs puis ils reçoivent jamais d'argent avec les gens qui payent pour le en ligne ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que tu sais, si tu peux acheter NHL puis jouer gratuit en ligne sur ta Nintendo, mais que faut que tu achètes une Xbox One plus un Gold pour jouer en ligne, ça devient quand même tentant là, d'économiser juste pour ça. Puis en plus, tu peux y jouer n'importe où. T'sais, tu peux l'apporter à ton travail puis jouer pendant tes pauses. Oui, ouais, ça c'est très très tentant. Ça va gruger le Wi-Fi de la compagnie. Ouais, exactement. Bon, fait qu'on se quitte sur un mot de la fin. Un mot de la fin? Ouais. Ben moi, j'ai ben je pense à ça, là. Tu sais, il y en a qui montrent là, la Switch, là, la vidéo, il s'en va dans un parc, jouer avec des amis. Moi, j'ai juste l'impression que je vais être content de pouvoir débloquer la console pour aller jouer sur la toilette. Oh, les toilettes. Oh. C'est assez les choses sérieuses. Les garçons s'attaquent à des questions de culture générale datant de la Révolution tranquille et qui ne sont pas piqués des vers. Tu m'as dit, Maxime, c'était ton nouveau code de vie. Ouais, moi, là, j'aime beaucoup, dans l'histoire, les grands hommes. Tu sais, les gens qui ont accompli des trucs. Fait que moi, j'ai acheté Mein Kampf, puis depuis ce temps-là, je fais tout ce qu'il me dit. Ah, ben, je trouve ça très, très intéressant. Tu sais que ça a été écrit dans une prison, ça? Ouais, mais je veux dire, Gabrois aussi a écrit des livres en prison. C'est quoi ton... C'est quoi ton argument? Ben, c'était pas pour te blaster, là, c'était juste pour donner des faits divers. Là. Je trouvais ça intéressant de le savoir. Ok, ben c'est cool. En tout cas, t'es vraiment chanceux de pas être blond pis de pas avoir les yeux bleus. Bon, ce qui fait que maintenant qu'on sait que Mein Kampf a été écrit par nul autre que Gabrois, on va pouvoir aller avec d'autres questions de culture générale en jouant à quelques arpents de piège. Êtes-vous prêts? Hey, c'est quoi ça, quelques arpents de piège? Quelques arpents de piège, c'est tellement intéressant. C'est version triviale poursuite extrême. C'est triviale poursuite en version française, quoi? Oui. Ouais, c'est version française, des années 70. Écrit ça. Probablement par des grands philosophes, là, parce que les questions sont dures en petit péché. Non, Bobineau, c'est québécois. Ah, Bobineau, c'est québécois. Ben non, t'as du québécois beaucoup. Hein. Ouais, il est quand même québécois, notre version. C'est version française, mais québécois. Ouais, ok. Bon. Francophone. Okay. Francophone. C'est ça. Le jeu est très très difficile, fait qu'on va poser des questions aux joueurs. Le premier qui a deux bonnes réponses, on arrête. Bon, d'ici 2 heures, ça devrait être fait. Fait qu'on va poser la question aux joueurs de notre droite. Ce qui fait que, je vais commencer, je vais tirer le dé, ça va donner le numéro de ma question, puis Maxime va me poser la question selon le numéro du dé. Parce qu'il y a 6 questions. Attends, on va quand même le dire. 1, c'est géographie. 2, c'est divertissement. 3, c'est histoire. 4, c'est AL. American League. Je sais pas c'est quoi AL. AL. Art et littérature. 5, c'est science et nature. Et 6, c'est sport et loisirs. Et le 7, c'est une question de notre choix. Une question de notre choix. Parfait. Chardon de Christine. Chardon de nos informateurs. 2. Hey, question de divertissement. Oh, qui est le réalisateur du film québécois La quarantaine? Oh, je vais dire Michel Tremblay, parce que c'est tout le temps Michel Tremblay. C'était Anne-Claire Poirier. Anne-Claire Poirier. C'est tout le temps Denis Arcand et Michel Tremblay, d'habitude. T'as bloué ta réponse. Déjà, 0. Oh, 2 pour moi aussi. 2 en divertissement. Qui devint Miss Cinéma, Radio, Télévision en 1945 et en 1972? À quel endroit? Pense à une vieille madame. Celle qui jouait avec Saint-Forien, là, Madame L'Espérance. Je sais même pas c'est qui. Ouais, Jeannine Souto. C'est elle! Oui! Et voilà! Une bonne réponse. Je suis trop fort, je suis né en 1866. Je m'en rappelais. Six, on est en sport et loisirs. Quel golfeur avait fait sa renommée en distribuant du champagne aux journalistes? Mike Weir. Champagne Tony Lema. Tony Lema. Ben oui, Tony. Bien connu dans sa famille. C'est-tu le tigre des céréales? Le score maintenant de 1-0-0 hey, pour drôle. Pierre. Je vais vous faire une parenthèse rapide. Parlant de tigre, j'ai écouté le film de Winnie l'ourson de 2011. Ah, il est tellement bon. C'est tellement drôle, là. Ah, ouais? C'est incroyablement drôle. T'as-tu chanté des chansons? Le poil long. Le poil long. On n'a pas peur du poil long. Je suis un tout petit nuage. C'est noir. Tout n'est fait que de miel. Oh, c'est un 3. 3, c'est histoire. Oh, yes. Quelle souveraine égyptienne épousa deux de ses frères? Oh. Fertiti. Cléopâtre? Ah! Crime! Cléo! D'ailleurs, c'est Cléo! Cléo! Mais je savais pas qu'elle était nymphomane. Je me suis dit. Nymphomane 2! Encore du divertissement! Guillaume, c'est toi qui pose la question en fait. Ben oui, je sais, c'était le. Jeannine Souto! C'est pas tout le temps Jeannine Souto! Qui jouait Matt Garth dans la Rivière Rouge? Dans la Rivière Rouge, c'était. Le danseur et chanteur. Elvis. Je suis pas très bon dans les noms tout le temps. Louise Harrell? Non. Dancing Queen. Non, c'était Montgomery Clift. Ah, je l'aurais pas eu. Montgomery Clift. Je pensais qu'il m'a appelé. 5. Science et nature. Science et nature. Qui a inventé le phonographe? Oh, je sais. C'est. Pense à un inventeur. Alexander Graham Bell? Non, Thomas! C'est Thomas Edison! Non, c'est Thomas Edison! Parce qu'il y a le musée du phonographe à. Dans les Simpsons! Non, à. C'est vrai, c'est de Beaupré! On est dans les Simpsons! Ah oui! Oui! Puis quand ma mère invente les petites pattes sur les chaînes. Divertissement, mon homme! Hey! Qui a joué Sonny Corleone dans le film Le Parrain? Oh! C'est pas. Affirme-toi, dis pas c'est pas, dis c'est. C'est! C'est parce que je me souviens pas de son nom. Al Pacino? C'est-tu lui? Moi, non! J'avais dit Tony à Curso. C'est Khan! James Khan. James Khan. Eh ouais. Pas su. Je sais pas c'est qui. C'est lui qui a inventé le scan. James Khan. James Khan. James Khan. Numéro 4! Oh! Art et littérature. Qui fut le premier citoyen britannique à gagner un prix Nobel de littérature? Howard Grant. Eh non, c'était Rudyard Kipling. Oh. Monsieur Kipling. Pas Monsieur Kipling. Ben oui. 3. Histoire. Dans l'histoire, quel ministre québécois présida à la nationalisation de l'hydroélectricité? Je leur mets des batteries dans mon dentier et on continue. Ouais, exactement, de l'hydroélectricité. Hey, pourquoi je suis tellement pas bon en histoire? Oh, oh. Je veux dire. Vous en train de me un dire premier. À la prochaine fois. Ouais, hein? Je sais pas. R.L. Ben, j'ai le mieux. Je sais pas c'est qui. René Levesque. Ah ben oui. René. Petit poil. Oui. Ah, c'est pas fort. J'entends à René Levesque. Big 3. Hey, c'est ça. Quel empereur était le lion de Juda? Oh. Le lion de Juda. Oh shit, le lion de Juda. Tellement facile. On peut parler de David. Haile Selassie. Oh non, c'était très dur. Haile Selassie. T'aurais sûrement été meilleur dans 4. Quel fut le troisième fils d'Adam et Ève? Troisième! Je pensais qu'il y en avait eu deux. C'est comme les drums musicales. C'est aucun, il y en a eu juste deux. J'ai 7. 7? Ah, ouais. Seth Rollins. Troisième ou septième? 7. Ben, vous voyez, c'est l'un de. Hey, 4. Hey, c'est à papa de le tirer. C'est à moi, vous trichez encore. Le score est encore 1-0-0 pour papa. 5. Oh. C'est moi qui te pose. Ben non, oui. C'est Guillaume. Je sais plus. C'est lui. Si. Science de la nature. Comment s'appelle la ligne qui coupe un cercle exactement en deux? La médiane. Et non. C'est quoi? Le diamètre. Le diamètre. Oh, j'avais pas compris la question. Oh, on a répété la question. Le diamètre. Hey, on a failli pouvoir terminer le jeu. 4. Ouais. Art et littérature. Et L. Qui est l'éditeur controversé de la revue érotique Hustler? Oh! Hustler. Je sais pas. Tu connais pas Hustler? Avec les filles, avec des gros je connais Hustler, mais le sucre d'orge. Larry Flint. Ah, Larry Flint, Brian Flint. Il y a eu un documentaire sur lui, puis un film aussi à Super Écran. Oh, je ne l'ai pas vu. Ouais. Non, mais pas vrai. Ils l'ont pas diffusé dans le magazine. Pas vrai. L'histoire de Larry Flint. Mais je me serais pas souvenu du nom. Non. Ah, 4. Ouais. Art et littérature. Qui était de l'avis que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite? Marx. Joseph de Maistre. Oh. Je le connais même pas. Je sais! Je le connais même pas! C'est Bourlemestre! D'abord, René Lévesque, là. Oh, science de la nature! Oh, c'est pas juste. Combien de pieds y a-t-il dans un mille? Combien de pieds dans un mille? Ben oui. Hey, c'était avant combien la réponse, ça. Combien de pieds dans un mille? Mais dis pas que c'est, ça dépend de la grandeur. 1600. Hey, ben plus que ça. Combien de pieds dans un mille? Dans un mètre, il y a 3 pieds, 3 pouces. Dans un mille, c'est 1600 km. 90? Ah ouais, je savais pas. Moi, je suis de la génération qui est pris entre l'ancien système et le nouveau. Donc, on mélange le poids puis tout ça, c'est les livres. Mais quand on va en longueur, on est rendu en centimètres. Ouais, mais on sentait que ton calcul faisait aucun sens. Dans un mètre, il y a 3 pieds. Il y a 1600 mètres dans un 1600 km dans un 1000. 90! Ok, la belle. J'ai plus de cheveux. Ah, mais il reste plus beaucoup de temps pour avoir deux bonnes réponses. 5. Combien de jours y a-t-il eu en 1976? 356. 366. 66. Il avait enlevé 10 jours. C'est trompé. Je savais que c'était une année bici. Hey, là, je pourrais être à deux bonnes réponses avec ça, puis René Lévesque. Oh non! Ah, je suis mauvais. Excusez, j'ai frappé la table plein de fois. Ouais, c'était mauvais, ça. Les journées rallongent. Hey, on n'a pas encore fait des questions de sport. Non, c'est pas. Presque pas. Hey, il y a deux. Deux. Justement, quel grand Québécois disait viande à chien? Hey, patate. C'est facile, ça! Des belles histoires de pays d'en haut! Ça va être Bobineau. Séraphin Poudrier. Oh, Séraphin. Belle histoire des pays d'en haut. Ben oui, c'est lui. Ben oui. Séraphin. J'avais pas encore deux. J'avais pas l'air. Celle-là, je l'aurais su en plus. Celle-là, je pense que tu vas le savoir. Qui interpréta le rôle de Sherlock Holmes dans 14 films entre 1939 et 1946? Peter Sellers? Eh non, non, c'était Basil Rathbone. Oh, oh, Rathbone. Bad to the bone. 5. Qu'avait-il de particulier? Non. Qu'avait de particulier la naissance de Louise Joy Brown le 25 juillet 1978? Il y avait une éclipse lunaire. Non. La première fécondation in vitro? Oui, le premier bébé couvert. Louise Brown. Des Louise Brown. Des Louise Brown. Tu Louise la brune. 3. Brune. Histoire. Oui. Combien de débats y a-t-il eu entre les candidats Kennedy et Nixon? Hey, je sais pas, je vais me fier aux élections de cette année, je vais dire 3. 4. Ah, patin. Oh. Moi, je veux taille le H, là. 4. 4. Quelle fut l'école fréquentée par Tom Brown et Flashman? Harvard. L'école des super-héros. T'as peu. C'est non, c'est rugby. Oh. Hein? L'école de rugby? Quelle fut l'école fréquentée par Tom Brown et Flashman? Rugby. Ah. Et, ok. Faut que tu fasses 4 toi aussi. 5. Parce que c'était 3. Quelle est la couleur de la raie sur les pantalons de parade de l'agent de la GRC? C'est pas ça ta question, finalement. Je suis content de pas l'avoir. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a les jambes rapprochées à la hauteur des genoux et écartées près des pieds? Le père de Henri Pissagan. Ça n'a pas de bon. Un cagneux. Quoi? Un cagneux? Un cagneux. On vous donne une chance, je t'en pose une autre. Okay. Ouais, ouais, vas-y. Combien d'yeux un ver de terre a-t-il? Zéro. Oui! Hey! Il y a eu deux bonnes réponses dans tout le jeu, je pense qu'on va arrêter. Hey, je veux une bonne réponse moi aussi. Ok, je vais te poser une question. Qui est la petite sœur de Bobino? Bobinette? Oui! Oh oui! On finit, yes! Tout le monde gagne! Tout le monde gagne, comme à l'école des fans! Et voici une bicyclette! Et comme de fait, le coucou sonne. Ah, ah c'est la fin. Eh oui, c'est déjà la fin de la journée. Hey, ça a été une très belle fin de semaine avec toi, paternel. Comment merci, tu merci. Trouvais ton passage au 17 ben, Avenue des Pins? Ça a été bien le fun. C'est dur de dire ça, moi. Je trouve que ça a été assez naturel, assez le fun, puis vous êtes pas fort aux arpents de pierre. Dis le gars qui a juste eu une bonne réponse. Ah, mais on peut pas tout gagner au 17 Avenue des Pins. Bonne soirée. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Mieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.